est triste, mon cœur est triste, ma vie est triste. Y a le soleil qui s'est enfui et mon amour qui est parti. Amen. Le ciel sans voile est plein d'étoiles qui me dévoilent qu'elle est heureuse loin de moi et qu'elle ne pense plus à moi. Écoute-moi, oh camarade, laisse tomber cette fille, tu m'entends. Elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes et tu lui as donné ton âme. Mais elle ne t'a jamais mis, camarade. Elle profite de toi et tu es content. Même ses paroles sont froides, tu dois les sentir pourtant. Thank you.

long ago. Wanna see my sweet honey, baby? Wanna break this chain off and run? I wanna lay down somewhere shady. Lord, it sure is hot in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Damn, I reckon that oughta get a bit wicked and wicked. But I still got so terrible long ago. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and saving my time. Everybody wants happiness. Everybody wants peace of mind. Everybody says we should ignore the graves we dance upon. But I've really got news for you. There's no amount of dancing we can do that will ban the bomb. Feed the starving children, bring justice and equality to you and me. No amount of dancing is gonna make us. Gather round the riots, children. Everybody wants to dance. Gather round the murders and be free. Gather round breath of life. This could be your only chance to be in touch with your own humanity. Oh yeah. Everybody wants happiness. Everybody wants peace of mind. Everybody says we should ignore the graves we dance upon. But I've really got news for you. There's no amount of dancing we can do. We can never ban.

du groupe de Black Voices, connu sous le nom de The Watts Poets. C'est extrait de On the Street in Watts, un album paru en 1969. Bir ormanın içinde tek başına yürüyorum.